premières amours et compagnie. Un nouvel élève est apparu à la rentrée. Il s'appelle Benoît. Il est blond, il n'a que 11 ans, mais Faustine, qui en a 12, le trouve très beau. Il a grandi à Madagascar où son père était ingénieur, salarié d'une entreprise belge. Il raconte à la classe comment il courait pieds nus sur les larges branches des arbres, comment il jouait avec son singe apprivoisé et comment il attrapait les scorpions, les serpents et les araignées. Faustine en est vite tombée amoureuse, surtout qu'il attend aussi son père le soir et que les deux enfants ont largement le temps de sympathiser. La fillette laisse tomber un temps les aventures de Thierry la Fronde, surtout quand Thierry c'était elle, afin d'endosser un costume plus séducteur et plus efficace. À force de manipulation, d'assistance, de travaux d'approche et de persuasion intensifs, elle parvient à convaincre le garçon de l'inviter à un barbecue dans la propriété de ses parents. Las, l'élu a vu grand en vue de socialiser ses vieux. Non seulement l'invitation s'est étendue à Françoise, sa maudite rivale, mais aussi, hélas, à tous leurs parents, sans compter les fratries. Le tête-à-tête rêvé se transforme en foultitude. Devant sa blonde et coquette camarade, Faustine se sent trahie. Benoît loge dans une caravane sise sur la propriété de son oncle. Il déménagera dès que ses parents auront trouvé un endroit adéquat. Et c'est ainsi que Faustine, Françoise et Benoît se confinent dans le placard à balai de ladite caravane pour s'embrasser à bouche que veux-tu. Chacune son tour, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, Faustine voyant bien que les séances avec Françoise durent plus longtemps qu'avec elle, elle refuse la compétition et rejoint les adultes réunis auprès d'un barbecue nettement plus satisfaisant. Cette année est la dernière que Faustine passe à Saint-Ferdinand. Sœur Bernadette repartit au Congo belge et mourra 2 ans plus tard. La nouvelle institutrice, recrutée en remplacement, est une jeune femme laïque qui joue de la guitare et apporte aux enfants un peu de modernité. Elle leur apprend des chansons de Jacques Brel et de Georges Brassens. Les gamines s'amusent à fredonner pendant la récré, la balade des dames du temps jadis, ou encore « Ne me quitte pas ». Toutes ces chansons inspirent beaucoup Faustine, dont les rédactions commencent à devenir intéressantes. C'est vraiment sa matière de prédilection, même si elle peine encore avec la grammaire. À propos de rédaction, la gamine ayant giflé un camarade qui s'en prenait à Stéphane se fait vertement réprimander par la maîtresse de ce dernier. Sœur Germaine, comme punition, demande à Faustine de lui copier sur une double page quadrillée les poésies de son choix. La fillette, furieuse devant tant d'injustices, a rageusement pondu et envers, s'il vous plaît, un pamphlet incendiaire. Il y est question de moutons, d'une bergère qui s'en occupe mal et fera mieux d'apprendre son métier plutôt que de s'en prendre aux innocentes. Pauvre sœur Germaine qui s'en plaint amèrement à papa le soir venu, lequel papa rejoint les enfants dans la voiture avec un drôle de sourire aux lèvres. Faustine en déduit qu'il est fier, malgré tout, de ses prouesses littéraires. Il lui demande néanmoins de présenter des excuses le lendemain et d'éviter de recommencer. Il est impératif que la fillette termine l'année dans cette école, car ses parents n'auraient pas le temps de lui en trouver une autre. En plus, devant partir quelques jours, papa et maman sont à nouveau obligés de laisser les enfants à la garde des sœurs. Il faut conserver leur confiance à tout prix. Faustine et Stéphane aiment beaucoup rester dormir à l'école. Le dortoir, situé au 3e et dernier étage, est organisé sur un modèle identique à celui du pensionnat de la rue américaine et les deux enfants se parlent depuis leur lit, comme à la maison. Faustine a une petite lampe de chevet, ce qui lui permet de lire un moment avant de s'endormir. Personne ne vient plus les surveiller une fois que sœur Marie-Josée, la seule qui a encore l'énergie de monter les 3 volées de marche, leur a souhaité la bonne nuit. Matin et soir, ils font leur toilette dans une salle de bain gigantesque, glaciale en hiver, pourvue d'une énorme baignoire aux pieds en pattes de lion. Quand elle est remplie, on a de l'eau jusqu'aux épaules. À condition qu'ils ne fassent pas pipi dedans, on les laisse s'amuser longtemps. Avant d'aller se coucher, les enfants regardent consciencieusement, et plutôt 2 fois qu'une, s'il n'y a pas de bestioles cachées sous leur lit. Faustine a entendu à la télévision tout à l'heure que plusieurs scorpions très venimeux s'étaient échappés dans le laboratoire de l'université de Louvain. On ne sait jamais, ils sont peut-être arrivés jusqu'ici. Demain, après avoir sous la férule implacable de sœur Dominique héroïquement tricoté quelques rangs d'un pull rayé marron et jaune, immonde, Faustine aura la permission d'aller avec Stéphane jouer dans le centre de séminaire voisin. Ils y ont fait la connaissance de frère Antoine, le factotum qui s'occupe du potager, de l'atelier et surtout de la chèvre mascotte que les gamins adorent caresser. Lorsque par chance les enfants reçoivent une noix de coco, ils la portent aussitôt au frère qui la leur scie. Ensuite, tout en grignotant la pulpe, ils font du patin dans les très longs et lisses couloirs du centre jusqu'à ce que l'un des pensionnaires réclamant le silence propice à la méditation les fiche à la porte. La semaine suivante, la prof bien-aimée de Faustine a organisé une sortie au conservatoire de Bruxelles. On y donne un concert de musique classique. Un célèbre pianiste jouera. Les enfants sont très excités à la perspective de cette journée. La salle est bondée. Le soliste se donne vraiment. Faustine s'imprègne des morceaux, tous plus beaux les uns que les autres. Elle se laisse aller à la rêverie, imaginant les histoires qui iraient bien avec ce qu'elle entend. À la fin de la session, l'artiste se lève et demande s'il y a des questions. Personne ne répond. « Bien, dit-il, dans ce cas, je vais vous jouer un dernier morceau et vous allez me raconter à quoi il vous fait penser. » Il se lance dans un extrait endiablé, tellement joli que Faustine décroche et en oublie de réfléchir. À la fin du morceau, l'artiste sur son estrade attend une réponse. Sa voisine ayant murmuré un moustique quasi inaudible, Faustine lève la main et répète « Un moustique !» Le soliste l'applaudit, et toute la salle avec, et déclare que c'est la première fois qu'il reçoit une réponse aussi intelligente. Faustine se sent rougir jusqu'aux oreilles, n'osant plus révéler que l'idée n'est pas d'elle. 5 minutes après, il est trop tard. Elle aurait dû lever la main de sa voisine pour lui attribuer le mérite de son idée. Elle a honte de son usurpation, mais elle ne peut que continuer à se taire. Plus tard, croisant sa prof, alors qu'il remonte dans le bus, cette dernière lui lance « Bravo Faustine, désormais on t'appellera moustique !» La pauvre gamine ne sait plus où se mettre, de peur de s'enfoncer davantage. « Ah, quand apprendra-t-elle à tenir sa langue ?»